Vous êtes sur le 105.9 de Radio Hellebore et de The Groove Factory Web Radio d'Hellebore. Vous êtes en compagnie de l'oncle Ben. Bonsoir Albert. Et de moi-même, Albert, pour cette nouvelle heure d'émission, l'antichambre, tout ce qui se fait de bon en hip-hop, en funk, en musique d'inspiration latine ou afro. On avait commencé très fort pour notre première émission de rentrée. Est-ce qu'on va continuer sur la lancée ? Bon, y a pas de raison, je pense. Hein. On change pas une équipe qui gagne et on va essayer de procurer à tous nos auditeurs la même bonne musique, en tout cas celle qu'on aime nous. Oui, donc on va revenir, je pense que c'était les dernières émissions qu'on a fait avant l'été, avant notre pause estivale. Je vous avais présenté des morceaux assez funky qui étaient tirés de trois grands dessins animés. Il y avait Captain Flamme, il y avait Ulysse 31 et il y avait Cobra. Donc voilà, et cette fois je vous avais promis en fait de revenir sur un autre dessin animé qui s'appelle Lupin the Third. Donc encore un dessin animé japonais, et on retrouve donc au niveau de la musique quelqu'un qui était déjà donc sur Captain Flamme, qui s'appelle Yuji Ono. Donc c'est vraiment, on va dire, le compositeur principal de beaucoup des BO de ce dessin animé, qui a été dessin animé télé mais aussi cinéma, ce qu'on appelle des OAV. Et puis il a été donc sous son nom Yuji Ono, mais aussi sous le nom d'un groupe qui s'appelait You and the Explosion. Et puis aussi on a eu un petit peu plus tard un duo, alors je sais pas, je pense qu'ils doivent être italiens, parce qu'en fait ils sont occupés de l'épisode du film qui s'est passé de Lupin the Third qui était en Italie, qui s'appelle Papik and Yuma, et ils ont gardé le vrai esprit de Lupin, donc ce côté funky. Moi j'ai gardé les morceaux funky, mais il y a beaucoup de morceaux très jazz, c'est vraiment très spécial comme le font beaucoup de compositeurs japonais, mais donc vous allez voir, ça swing à fond. En tout cas, une approche très originale de l'univers de l'animation japonaise, non pas par l'image comme on pourrait s'y attendre, mais par la musique, donc c'est très intéressante approche, oncle Ben. Voilà, et toi, on ira vers quelle direction musicale ? Eh ben, j'ai pioché un peu des disques au hasard dans mon bac, mais il y a pas mal de petites choses raga, hip-hop et des morceaux plus rap, je pense, pour terminer ma session, mais ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Eh ben, c'est parti, donc nous partons dans l'univers de Lupin the Third, donc Lupin, on va dire, le cambrioleur, et puis on écoute ça donc avec un premier morceau donc signé Yuji Ono et son groupe You and the Explosion. C'est parti, l'oncle Ben, Albert, l'antichambre, Radio Hellebore, The Groove Factory. We'll be right back. J'avais oublié une composante essentielle des BO de Lupin the Third, c'est le disco. C'est vrai que quand on regarde les épisodes, on n'est pas dans l'univers disco, mais quand on tend l'oreille, on est vraiment en plein dedans, quoi. Ouais, ouais, il y avait beaucoup de titres, il y avait même des ambiances un petit peu latines, brésiliennes dedans, donc c'est ça, un spectre assez large. Donc voilà, c'était. Vous retrouverez tous les morceaux sur le Mixcloud une fois que l'émission sera en ligne. Je ne vais pas vous les débriefer, mais comme je vous dis, ça tournait autour du compositeur principal, donc Yuji Ono, et puis donc d'un collectif, je pense italien, donc Papik et Yuma. Voilà, donc c'était ma petite sélection, Lupin the Third. Parfait. À moi de m'installer, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc on va partir dans un tout autre univers, toute autre ambiance. On va être sur des morceaux hip-hop, raga hip-hop, avec pas mal d'énergie. Donc on débriefera si on a le temps, sinon de toute façon allez faire un tour sur le Mixcloud de l'Antichambre, vous pouvez réécouter les émissions et surtout prendre connaissance des playlists détaillées. Moi tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura du dernier album de Thierry Corporation, du Mongo Sci-Fi avec Soomty, de l'entour loop, et puis peut-être des choses un peu du DJ format, du Outcast, des choses comme ça. On va voir, voilà ce que D'accord. j'ai en tête, et on va improviser un petit peu tout ça. Et bah, je te laisse rejoindre les platines, donc garder la fréquence, le 105.9 de Radio et les bords pour cette seconde émission de l'Antichambre nouvelle saison. And political rallies, but who the rich I love it for? Using it for votes, pretend that me is sorry for them winning, it's a joke. I'm sick of trick-or-treaters in costume disguises, leaders, charismatic public speakers, false prophet and fake healers, articulate perfect grammar, scammers scamming us for votes in front of TV camera with an innocent approach. No more lies and policies, born apologies, trying to ask please when I squeeze on your knees. Justice or else is the minutes of Farrakhan. So me stand up a garden oath with my Glock up in my hand. If I take it literally, fuck you, geez, I'm kinda sorry, but smart need to answer what them really do to prezi. Give me the microphone, I'm at me rep the innocent. Paying recompense for money spent to feed the government. Give me the microphone, get the people riled up. Too much fucker piled up, get the team them aisled up. Parallel universes in the same old hemisphere. Authorities, they don't care with them nose up in the air. As I walk them, metaphoric. We got the truth, I make you use them, metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, you put up your lighter, yeah, eh. Cause I walk bombs, them, metaphoric. We got the truth, I make you use them, metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. Make the syndrome get the fences, permeate them residences. Extend up to the trenches up to where the president is. Karma on the ones and twos, yes, it turn the tables. Had enough for you with the parables and tables. Jamaican bad gal, queen and revolutionary. Never quick to start a war, but shoot whenever necessary. Product of the inner city, where me come from, it not pretty. Survive the nitty gritty, ain't nobody taking pity. Survive a kind of tricky in New York, Cali and Philly. Yeah, the same thing I go on down a Kingston. Cause I want bombs them metaphoric. We got the truth, I make you use them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh. Cause I want bombs them metaphoric. We got the truth, I make you use them metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah, eh. If you agree, put up your lighter, yeah, eh. The days of the last days, on the last page of the book at the dark age. We are part ways with the oppressor, see predecessor. Wake up and listen, then we team up together. We will meet on the battleground. Trade my microphone for a shotty and some papa sound. Just be ready when the gavel sound. Gonna valley ground fuss just around us, so we never nervous. Was a mental war, now this shit turned physical. From long time scars, we are reap the residual. From slavery to now, now the thing get critical. Them can't kill with soul, cause them sights are spiritual. Sights are spiritual, so they be like, hey, credible under sights were subliminal. Get them mad, then chastise them as criminal. Give we drugs under guys, it's chemical. Cause I'm a bomb, then metaphoric. We got the things that make the use, then metaphoric. Cause I'm a fighter, yeah. Without you, I make you use them metaphoric. Cause I'm a I strike, I go red and make a song for the nation. I give the beginning, I just love for human race and respect God in your mind. Come from a wicked behind. The light and lead into the water, diminishing right. And the ganja, say a praise for the one when we end ya. Say boom Shiva, spreading the love within the land ya. Equanimity like Brahma Sita, together burning reefer. And the ganja, say a praise for the one when we end ya. Say boom Shiva, spreading the love within the land ya. Equanimity like Brahma Sita, together burning reefer. We'll be right back. Bonjour. Buenos dias. I got the water. Here's a tea bag format. We need three cups plus sugar and milk. A few spoons. To stir it all up. But be careful. Shit is hot. Like lava. Hotter than a fat fuck. Jogging in a sauna. Hotter than eating a jalapeno pepper. Straight out the jar in a flaming car. Me and that Biggie be raising bars. Straight slaughtering snares, kicks, hi-hats, and bass guitars. While your record is a waste of paper, ink and breaks. And getting no play like Clay Aiken's ball. No play. Similar to self-hating hermaphrodites. The size of a domino bus rap so tight. Borat says, like endless of young boys. Girls screaming like my vibrating tongue toys. We separated at birth. That's demonstrated in the verse. It's orchestrated and rehearsed. Absentee on stage, we go to work. The spectators go berserk when we be saying these words. Records playing in a blur format with beats that make your neck turn. The mics up, turn the lights down. Turning wax on the table supplies the sound. Beat boys turning on the ground. Probably keep turning till the earth stops turning around. Now I'm guessing it's refreshing to be checking MCs of this caliber, gripping the mic tight like Arthur did Excalibur. Surf format of the round tables with abs and D. It's like the stuff found in Fable. Fuck entertainment, DNA B gon' invade the stage and rain more than Vader. Fuck rain, we're more than rain. We're hail, so hail hip-hop's hottest Canadian rhyme sayers. And the UK's hottest beatmaker slash the hottest fingertips to ever grace a record player. Basically the hottest trio, bringing beats and flows hotter than a Cole Walker steaming toes. We separated at birth. That's demonstrated in the verse. It's orchestrated and rehearsed. Absentee on stage we go to work. The spectators go berserk when we be saying these words. Records playing in a blur for a man with beats that make it enter. Hello, darkness, we can hear you spin high. Just wanna make love to the whole globe and all her girlfriends. Now don't they make your mind move like smoke patterns? Be on my way to Saturn with a ball. No, begin, I'm sorry, shawty. I think of before the first got the glass. They don't move on winging. Now won't they make us all move like class clowns? Crank your private, crank it, come down. Sound travels at 1,130 feet per second, niggas in the street, they won't in hurry. When niggas stop by, they never 3,000 stops to worry. A little knowledge from the college of wizardry. Hurry, as they quit you, you know what design is. You get what you got, the answer is, you know what why is. The body of hot, the motivator of pop. Snots, bitch, shit, our characteristics. A release, action needs a nephew. You think we left you, what the future holds. In this winning palm, stay up in the barn. You move it like you mean it, still calm. Drunk like Mike, excited down, right, fight like white blood cells. To the common core rebel. Night gets jealous of day, players no longer. The feeling gets stronger than the moon gets thick. We just jail. Can't be amazed. Even if you pull the pin from your hand grenade. We just can't be amazed. Even if you pull the pin from your hand grenade, we just can't be amazed. Even if you pull the pin from your hand grenade, we just can't be amazed. And we some homemade bombs, finna blow right up in your face. Look at the way you look at me, I see it on your face. All your hate emanates, but you still hesitate. Cause you want inside of my head, but don't know how. To brainwash me to be a commercial clown. Fuck that, I see the way you work. See the way you smirk, I'm catching you where you work. Inside. Records, starting niceness, like my virgin Omar say, there's nothing when. Could be that they know me from then. Never know, so that the things we did then, we don't do them again, yeah. Kill him, kill, I defend my good friend. They slew men, we use four tongues, remove them. Believe, rude boy style, they know the sea, so behave. It's bad man time, they know the flame, yeah. When we come, more fire for bun. Blinged up, till it done, more money for run. Smoke weed till I collapse my lungs. Kill him, kill him, and the axe died. But I still have it for the sun. I ain't as good as they say I am, I'm better than them. Kill him, kill her on your pussy, cut his dead in the track. I ain't as bad as they say I am, no. On hypocrisy, top kill with profit and this with philosophy. Top keep with people in a mental slavery. Can't trust the government, them too greedy. They don't really care about the poor and needy. Can't trust what you read or what you see on the TV. Can't trust your dentist, neither your GP. Only your anoka give a therapy. Spiritually, physically, and I tell it clear. The signs are all around us, the right is everywhere. You know this, what to look for, the message will be clear. Just read between the lines and make the sense from the sense. And don't be fooled by the lies, politics, and mama says, yo! Jamaica Black Logic, Jamaica Black Hawk, Africa Black Hawk, Ethiopia Black Hawk, Jaisi Fong, and John called inside the war, and the other side gave us start the war. and turn the start the car. Pocket your rider, stepping inside. Lee Scratch Perry and the General of Fiber. Yeah. We're not gonna slip neither slide. A strictly niceness we are providing. We started off low color, but now we're gonna take it worldwide. But don't forget keep the fire light. No matter how they try, give it fight. Cause as my wisdom increase, my locks are grow longer. Everything clearer, my sitting so brighter. Jah love me walk with, is my superior. Only Jah alone can be my redeemer. No put no faith on the encyclopedia. Can't trust the internet, neither the media. Can't trust Babylon, big misdeceiver. Divide and to conquer, this is your procedure. Now get a youths, rise and stepping up. Righteousness, what them a seek and bless it up. Never gonna stop, praise Jah, we're not giving up. Can't cool, we have to turn it up. Because greed, envy, lust and hate, we're rampant in the way that the devil operates. Cause money brings power, and that's the devil's goal. So he will give you money if you give him your soul. Don't be a fool to what they surmise, cause only the strong will survive. Live your life with a positive vibe, and no one said Jah will provide. And let love lead you upon your way, cause only Jah can show your side. Don't for them get left behind, cause it's spiritual when they come on them blind. Yo! That's right. Even Dr. King Vampire and Dr. Vampire from the Black Soccer. Voilà, c'était la sélection de Elbeya Raga Hip Hop et Hip Hop pour terminer cette émission. Il n'y avait pas beaucoup de Hip Hop, il y avait beaucoup du Raga. C'est vrai. C'est vrai. On va juste parler du dernier morceau parce qu'il est vraiment terrible. C'est le producteur anglais Prince Fatty avec son toaster fétiche Horseman. Et c'était la reprise, tout le monde l'aura connu, de Got Your Money de All Dirty Bastard et Kellis. Ensuite, on va repartir au début de la sélection. On a commencé avec le dernier album qui est sorti en début d'année de Thievery Corporation, The Temple of I and I. Et on a écouté, on l'a déjà entendu d'ailleurs dans l'émission, le morceau, le très bon morceau Letter to the Editor en featuring avec Raquel Jones, qui participe d'ailleurs à plusieurs morceaux sur cet album. Ensuite, on était en plein dans le son anglais puisque c'était les Mongo's Hi-Fi avec la chanteuse Soom T et l'excellent Boom Shiva. Ensuite, c'était nos amis de Saint-Etienne, L'Entourloupe, d'ailleurs, qui a un deuxième album qui ne saurait tarder. Ouais. C'est une affaire de jours ou de semaines, en tout cas, ça devrait aller très vite. Et là, c'était un retour sur leur premier album. C'était le morceau Back in Town, en featuring avec une légende du raga, Jamalski, avec Bang On et avec Nzeng, les comparses fréquents de L'Entourloupe. Ensuite, c'était le court passage hip-hop avec DJ Format et ses acolytes Abdominal et Decisive avec le titre Separated at Birth. Ils ont fait une tournée vraiment superbe avec Abdominal pour leur nouvel album qu'ils ont sorti avant les vacances. Ouais. D'ailleurs, Format s'était cassé le bras. Comment il a fait pour mixer alors ? Et non, il a arrêté, ils ont annulé la tournée et donc là, ils l'ont reprise depuis peu. Très bien. Ensuite, on s'est écouté un morceau extrait de l'album Stankonia des Outkasts. Pas leur album qui est le plus rentré dans la légende, mais qui comporte, ma foi, quelques bons titres, comme le Explosion qu'on a écouté en featuring avec Be Real. Moi, mon préféré, c'est So Fresh, So Clean sur cet album. Ouais, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Il y a longtemps que je l'avais pas ressorti, et voilà. Et puis, je vais en reparler de Netflix, j'en ai parlé. Il y a un très bon documentaire sur le collectif qui est derrière leur son, surtout pour les premiers albums, donc qui s'appelle The Organized Noise. Et ça nous raconte donc l'histoire de ce collectif, un petit peu l'histoire de Outkast et puis aussi donc de la ville d'Atlanta. L'émergence du son Atlanta. Ensuite, on est reparti en Angleterre avec le duo de producteurs The Next Men, un morceau extrait de leur deuxième album Get Over It, ça il y a plus de 10 ans maintenant, et c'était l'excellent Hear What I Say avec une figure du son anglais Rodney P. Ensuite, toujours en Angleterre, c'était le producteur Cut Lavie qui a sorti en 2015 un petit album qui s'appelle One Step Forward qui mêle reggae, raga et hip-hop. Et on s'est écouté le titre Full Contact en featuring avec Skunkadelic et Maddie Carty, la chanteuse. Et puis l'avant-dernier morceau, c'est une nouveauté, c'est sorti récemment. C'est General Levy avec le producteur Joe Uraiwa. L'album s'appelle Dub Showcase Be Conscious and Wise. Et on s'est écouté l'excellent morceau bien rythmé Catch the Ride en featuring avec, là aussi les spécialistes auront reconnu, Lee Scratch Perry. Et bah c'est parfait tout ça. Voilà. Il nous reste un petit peu de temps. Toi, je pense que tu as épuisé. J'ai tout donné, j'ai épuisé mes ressources. Moi, il me reste un petit peu de son donc pour rester dans le thème de Lupin. Ok. Donc, on va finir là-dessus. Très bien. Et puis, donc on se dit à la semaine prochaine. Si vous voulez écouter d'autres émissions de l'Antichambre, et il y a le Mixcloud de l'Antichambre pour écouter les nouvelles émissions, réécouter les anciennes. Et puis, il y a surtout la web radio The Groove Factory. Sur le site d'Elebor. Voilà, vous rendez sur le site d'Elebor, radio-elebor.com, vous allez dans les web radios et vous cherchez The Groove Factory, un programme 24-24 où il y a tout ce qu'on aime, du hip-hop, du reggae, de la funk, des morceaux latins ou afro, et puis chaque jeudi soir, 21h, vous écoutez aussi l'Antichambre. Et c'est parfait, à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Ciao. Thank you.